Oh, le joli patron qui nous presse le citron. Il s'occupe de nous, il nous met à genoux. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Oh, le beau libéral qui nous suce la moelle. Il en veut toujours plus, il nous secoue les puces. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Oh, le gentil banquier qui nous coupe le chéquier. Avec toutes nos dettes, il joue à la roulette. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Oh, le petit journal qui nous fait la morale. Il nous prend par le cœur, nous sermonne, nous fait peur. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Oh, le capitaliste avec sa mine triste, il perd son triple A et nous laisse dans le caca. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Tant qu'il y aura en France des petits pieds pour la danse, il restera toujours un petit cœur pour l'amour. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences. Entrons dans la danse, diminuons les cadences.